Bienvenue dans l'Asile des plus sûrs, émission diffusée pour tous les Brétiliens en herdien sur l'antenne du 94 MHz Canal B et partout dans le monde à partir de son blog internet qui va bientôt fêter ses 1 an, le site www.asile35.blogspot.fr avec l'ensemble des podcasts, les playlists et aussi directement en streaming via le Mixcloud/Redman. Cette semaine, je vous propose une émission spéciale entièrement consacrée à la chanteuse et compositrice de Traverse, Annette Peacock, une musicienne singulière qui a démarré à la fin des années 60 et qui se fait beaucoup trop discrète. Son dernier vrai album était sorti au milieu des années 2000 et de manière plutôt confidentielle via son propre label Ironic Records. Annette Peacock donc qui refait surface en cette année 2014 via la réédition d'un vieux disque qui était sorti en 1971 chez Polydor sous le titre Revenge, The Bigger, The Love, The Greater, The Hate par le Paul Blais Annette Peacock Synthesizer Show, album qu'elle vient tout juste de republier sur Ironic Records avec un tout nouveau titre, I Belong to a World That's Destroying Itself. À l'époque, à l'orée des années 1970, Annette Peacock faisait partie de la communauté musicale du jazz free du côté de New York. Elle avait vécu dans la première moitié des années 60 avec le bassiste Gary Peacock et elle avait tourné donc avec le groupe qu'il formait aux côtés du saxophoniste free Albert Ayler. Et en bonne hippie qu'elle était, avait côtoyé Timothy Leary et goûté également au LSD. Elle s'est remariée un peu plus tard en 1967 avec le pianiste d'origine canadienne Paul Blais qui avait divorcé de Carla et elle a commencé à jouer ses propres pièces musicales en autodidacte. À partir de 1969, Paul Bley et Annette Peacock ont fait l'acquisition d'un des premiers Moog. Ils ont commencé à réinventer un langage musical à partir de cet instrumentarium électronique totalement nouveau pour l'époque. Une série de 2-3 disques Dual Unity Improvisi et le premier Revenge enregistré entre avril et novembre 1969, sorti par la suite chez Polydor en 1971. On va donc consacrer une large part de ces 90 minutes à retracer un peu l'histoire de ce disque ainsi que la carrière de Madame Annette Peacock. Maintenant, place à la musique et on démarre avec un bonus chute studio de cette session qui mélange live au Philharmonic Hall du Lincoln Center ainsi que différents live studios, et le titre très très approprié pour démarrer cette longue séquence autour d'Annette Peacock, le morceau Flashback. It was a cold winter's night, and I had just been to see performance with my friend Raven, dreaming about making dancing holograms in the sky. And I decided to walk to a bar where I might possibly run into someone who might drive me home. But I decided halfway in my tracks against it. Got a pocket without a hole in it. I got a hole without a pocket. So I started home again, just as I passed the village gate. These three guys standing in front of a Volkswagen bus said, suddenly remembering they were standing in front of the Volkswagen bus. One was just listening. Then they drove me home, and the next day, the one that was just listening called me up and asked me out for dinner. And I was very tired because I'd been up all night with my old man discussing the finer points of our different philosophical leanings. And I was almost 2 hours late, but he was still there. What he said. I'm the one. You don't have to go any further. I'm here. Oui, deux premiers extraits donc du disque d'Annette Peacock, I Belong to a World That's Destroying Itself, avec l'électronique comme prolongement naturel de la voix et des vociférations de la compositrice. Donc un album qu'on pourrait qualifier de... c'est un peu le premier album officiel de cette chanteuse et claviériste new-yorkaise. On la retrouve en compagnie de Paul Blais au piano électrique, donc au Moog synthesizer et autres instruments de type harpe, ainsi qu'une dizaine de musiciens selon les plages, notamment les soufflants Perry Robinson à la clarinette, Mark Whitecage au sax, Gary Peacock est à la basse et Barry Al Schulz à la batterie, entre autres, hein, je n'ai pas tous les cité. Alors, dans une interview au magazine Impetus daté du 1978, elle raconte de manière plutôt drôle comment ils sont allés récupérer ce synthétiseur préhistorique Moog chez son inventeur. Alors apparemment un journaliste new-yorkais lui a fait découvrir le disque de Walter Carlos, le fameux disque d'interprétation un peu kitsch de Jean-Sébastien Bach au Moog Switched on Bach, qui était sorti en 68 si je ne m'abuse, et Annette Peacock a eu la vision que c'était l'instrument dont elle devait jouer, dont elle devait s'accaparer le premier nouvel instrument en 300 ans d'invention musicale. Et comme elle était assez déterminée à l'époque, elle a réussi à convaincre Paul Blais d'aller voir Robert Moog et de le convaincre de leur céder un de ses mastodontes. Alors alors qu'il n'avait pas un sou voyant. Donc ils sont allés le voir, ils ont réussi à lui faire entendre qu'il fallait des vrais compositeurs et créateurs pour développer cette nouvelle lutherie électronique dont on se servait surtout pour faire des jingles à l'époque, et ils sont repartis le même soir avec cet instrument par le train. Et c'est là qu'évidemment les ennuis ont commencé, avec un instrument dont ils n'avaient pas la notice et qu'aucun technicien ne savait préparer, patcher, et un instrument qui prenait aussi à peu près une demi-heure à accorder, donc très difficile à jouer en tournée, sans compter évidemment les différences de température qui jouaient bien sûr sur l'électronique. Vu qu'ils amenaient ce Moog en tournée, ils avaient une sorte de show, le Paul Blais Annette Peacock Synthesizer Show, avec lequel ils se sont produits à plusieurs reprises entre 69 et 72. Et apparemment, donc, la morale de l'histoire, c'est que rétrospectivement, Paul Blais est devenu très très sceptique sur l'utilisation de cet instrument, et que Annette Peacock a évidemment aussi un peu mis d'eau dans son vin par rapport au côté visionnaire de cet instrument. Plus tard, Robert Moog a fabriqué des instruments beaucoup plus pratiques pour la scène, notamment des mini Moog. En tout cas, en ce qui concerne Annette Peacock, elle a réussi par ce biais à inventer un style de chanson pop expérimentale en injectant sa voix dans l'instrument et en la modifiant avec des effets de modulation de timbre et d'enveloppe. Et on va pouvoir s'en rendre compte avec deux nouveaux extraits de ce disque, donc I Belong to a World That's Destroying Itself, qui vient tout juste d'être réédité. Et on commence non pas par un extrait de cet album, par un extrait de l'album suivant, I Am The One, qui lui a été publié chez RCA en 1972 et réédité depuis chez Ironic Records ainsi que Future Days, la petite subdivision du label Light in the Attic. Et c'est un album qui est un peu le jumeau de l'autre, puisqu'on retrouve un peu les mêmes musiciens et des séquences qui se recoupent entre les deux disques, comme le titre qu'on entend précédemment, I Am The One, qui figure sur les deux albums. Mais là, je vous propose d'écouter le titre extrait de cet album d'Annette Peacock, le morceau Pony. We're happy to see you smile. That's my nature. I'm so domicile. Happy we've been together. La voix d'Annette Peacock dans les limbes à ses débuts, à l'époque où elle manipulait les potards, les oscillateurs et autres potentiomètres de son synthétiseur modulaire Moog pour créer donc ses chansons protéiformes à base de pop expérimental, de jazz rock, de funk aussi parfois, ainsi qu'un peu de jazz libre. À l'instant donc le titre Dream If Time Weren't, extrait du disque récemment réédité de 1971 I Belong to a World That's Destroying Itself, et juste avant le titre Pony donc de l'album suivant, l'album assez classique I Am The One, le titre Pony donc qui a été remis au goût du jour d'ailleurs par Morcheeba sur une mixtape il y a de ça quelques années, où ils avaient retravaillé un peu les parties électroniques. Voilà donc I Am The One, comme je vous disais, souvent considéré comme son chef-d'œuvre et en tout cas l'une des pièces maîtresses de sa carrière. Un disque qui a d'ailleurs inspiré pas mal de gens de sa génération apparemment, et notamment David Bowie qui s'est un peu inspiré de son style musical, également de son look androgyne, à partir de l'album Aladdin Sane, pour lequel il a d'ailleurs essayé de la débaucher, malheureusement sans succès. Et il s'est vengé en recrutant le pianiste qu'elle avait découvert, Mike Garson, qui figure sur ses deux albums cités précédemment d'Annette Peacock. C'est lui qui remplaçait assez régulièrement Paul Bley, qui s'est éloigné de sa vie au début des années 70 et qui était beaucoup trop connoté jazz, même si elle avait beaucoup contribué à sa musique à la fin des années 60. Mike Ronson, le propre guitariste de Bowie au sein des Spiders from Mars, était lui aussi un grand fan d'Annette Peacock, au point de reprendre I Am The One sur son premier album solo qui s'intitulait Slaughters on 10th Avenue en 1974, et c'est aussi lui d'ailleurs qui va l'accompagner assez régulièrement à la fin des années 70. Donc voilà pour I Am The One, un album donc très important pour sa carrière, qu'il a pas mal lancé. Et on va donc écouter un second titre d'Annette Peacock, extrait de ce disque, avec un morceau en forme de gospel phagocyté par l'électronique du Moog Synthesizer. On écoute dès à présent le morceau Been and Gone. You were the only love I'd ever had. stuck and stuck in the love without submission. I wanna be with voix d'Annette Peacock entre caresses et griffes avec une triplette de titres enchaînés dans l'asile le plus sûr. Tout d'abord un morceau court donc qui figure sur I Am The One, son premier disque officiel on pourrait dire, qui était suivi par The Cynic, qui est certainement mon titre préféré de cet album qui vient de revoir le jour, I Belong to a World That's Destroying Itself, qui le précédait et qu'on appelle souvent Revenge, et qui est donc enfin réédité, et à l'instant un titre nettement plus rare, No Winning, No Losing, extrait d'une compilation de chutes studio, et quelle chute qu'elle avait fait paraître en vinyle chez Ironic Records dans les années 80, donc des titres égarés entre 1974 et 1983, cette anthologie qui s'intitulait Been in the Streets Too Long. Alors il faut bien dire qu'Annette Peacock est un peu une besogneuse, une toute petite dizaine d'albums au compteur en pas moins de 45 ans de carrière. Ça fait relativement peu, avec des creux de 7 à 8 ans. On pense un peu à Scott Walker au niveau productivité depuis les années 80. Dans une interview, j'ai pu lire qu'elle racontait que Tony DeFries, qui était le manager qu'elle avait en commun avec David Bowie chez RCA, refusait apparemment quasiment toutes les propositions qu'on lui faisait, notamment une session aux côtés de Al Kooper et Mike Bloomfield, ou encore un concert au festival de jazz de Newport, etc., etc. Apparemment, il était trop occupé à gérer la carrière de Bowie, qui était plus importante que la sienne. Donc, entre 1972, l'album I Am The One, et la fin 70, elle n'a pas publié grand-chose. Elle s'est pas non plus beaucoup produit en concert, malheureusement. Très peu de collaborations aussi. Il faut dire que le succès n'est pas arrivé non plus au rendez-vous. Cela dû un peu à sa musique peut-être un peu trop avant-garde ou un peu trop décalée par rapport à l'époque, même si elle en emprunte bien des idiomes. Et puis il faut dire aussi que son caractère bien trempé n'a pas dû contribuer à la faire connaître et collaborer avec d'autres musiciens ou producteurs. Elle s'est installée en Angleterre au milieu des années 70 et bah, évidemment pas mal de gens ont commencé à lui faire des propositions, notamment Brian Eno qui lui aurait proposé de collaborer pour son label Obscur, avec lequel il a sorti une douzaine de disques assez essentiels, par exemple Robert Wyatt reprenant John Cage. Et apparemment donc Annette Peacock et Brian Eno ne sont pas entendus lors des sessions qu'ils ont pu enregistrer ensemble au Studio Island, donc ça n'a pas vu le jour, et en tout cas il s'agit de sessions dont on aimerait bien entendre quelques bribes à l'occasion. Voilà, tout ça nous amène en 1978 avec son disque suivant, donc 6 ans, un grand creux de 6 ans entre I Am The One et cet opus X Dreams, sorti chez le tout jeune label Aura Records, qui l'a lancé dans une carrière un tantinet plus commerciale, avec un côté et un son jazz rock plus affirmé, nettement plus péchu aussi grâce au jeu de batterie de Bill Bruford de King Crimson, aux côtés duquel elle a beaucoup collaboré à cette époque, que ce soit sur disque et aussi en tant qu'invitée des formations de Monsieur Bruford. Donc c'est avec ce disque X-Dreams également qu'elle a plus ou moins inventé ou commencé à développer de manière plus prononcée son style cabaret spoken words, et on écoute un titre qui illustre un peu cette esthétique avec ce qui est peut-être le tube de l'album, en tout cas en ce qui me concerne, le brillantissime morceau d'Annette Peacock, Real and Define Androgens. Yeah. seed, owners of seed, grow destiny. But only from the detached understanding of this significance, erotically. See past the tip of his own knee, his creature's proclivity exists to attend it, a devotee to this deed. But one cannot conclude the behavior of Sisyphus is greed, nor can the mountain defend it. dreams her, reams her taut, raw body, caught at the wrists, helpless, unresisting, the twisting thrusts to the rhythm that beats like the sound of a whip drowning in the waves of sensation. Abandoning himself to the abstract contact takes him closer to his senses, further from defenses, to the absolute surrender he craves. We're all slaves to the ceaseless release we reach, but we never possess. Real and Define Androgens, un titre fleuve rappé plutôt que chanté par Annette Peacock sur l'album qui a un peu assis sa notoriété aussi, le disque X-Dreams, sorti donc en 1978 chez Aura Records, avec pas mal de participants et le jeu de batterie assez reconnaissable de Bill Bruford qui l'accompagnait assez souvent à cette époque. Elle n'a pas collaboré beaucoup aux côtés de gens de la scène anglaise. On aurait pu s'imaginer par exemple des collaborations un peu avec des musiciens de la scène de Canterbury, peut-être Robert Wyatt, avec lequel elle a une certaine parenté. Certains disques d'ailleurs de Robert Wyatt aux côtés de Carl Abley font beaucoup penser au travail d'Annette Peacock dans ces années-là. Mais son côté franc-tireuse l'a plutôt isolé dans son travail. Juste après ce disque X-Dreams, elle a sorti un album beaucoup plus cabaret jazz sous le titre The Perfect Release, un album très très très doux, ce qui la faisait dire au New Musical Express dans une interview de la fin 70, début des années 80, qu'elle voulait à la fois produire davantage et aussi revenir à une musique un peu plus agressive et un tantinet plus expérimentale, ce qui va être le cas à partir de son album suivant sous le titre Sky Skating, sorti en 1982. Elle vient tout juste de créer sa propre marque de disque Ironic Records, sans doute inspirée un peu de l'expérience du punk. Ce label de disque sera d'ailleurs distribué par Rock Trade, si je ne m'abuse, et Sky Skating est aussi un album où on la retrouve entièrement toute seule avec ses claviers, sa voix et ses expérimentations. Et évidemment, tout son travail passé du début des années 70, notamment sur synthétiseur Moog, revient au grand galop. On écoute deux titres extraits de cet album Sky Skating et on démarre par le morceau Until Untrust Untis. Thank you. can't dispel you from my thoughts. The conversation's fun, and I'll dance with anyone. I can't dispel you from my thoughts. So here I am, baptized. So I bathe, and then I paint my face. Then I don't go any place. For you are the one I require to love, and I can't dispel you. Nothing ever was anyway. La musique d'Annette Peacock à l'honneur pour tout ça spécial de l'asile le plus sûr. On a démarré donc avec deux extraits de Sky Skating, l'un de mes albums préférés d'Annette Peacock qui datait de 1982. Malheureusement, pas réédité à ce jour. Il serait temps qu'elle se fende d'un nouveau pressage chez Ironic Records, avec donc deux titres et le fameux morceau Sky Skating, qui je crois était aussi un 45 tours, qui n'a pas dû atteindre les premières places des charts. J'en ai bien peur, malheureusement, pour elle. Et je crois qu'on retrouvait aussi sur ce titre, d'ailleurs, sa fille, Apache Rose Peacock, donc, avec laquelle elle se produisait aussi en concert dans les années 80. Et qui fait aussi quelques voix quand elle était encore toute gamine au début des années 70. Et c'était enchaîné non pas avec l'album qui suivait, mais celui encore après, sous le titre I Have No Feelings, également une production Ironic Records, vinylique et CD, mais non réédité non plus, avec deux titres, un titre piano-voix, entièrement toute seule, et un morceau en compagnie de l'incroyable et extraordinaire percussionniste improvisé britannique Roger Turner, qui est l'un des rares à avoir pu travailler avec elle dans ces années-là. Et c'est une vraie merveille que ce disque I Have No Feelings, avec un style toujours entre pop et on pourrait dire une sorte de recherche contemporaine bien à elle. Et on va pouvoir s'en rendre compte là encore avec l'album publié par le label de Manfred Eicher, ECM, en 2000. Il y a eu un grand creux entre cet album de 1986 et l'an 2000. Non, il y a eu un album en 88, Abstract Contract, et juste après donc plus rien pendant pas loin de 10 ans, le temps que le label de Manfred Eicher lui propose d'enregistrer ce disque aux côtés d'un quatuor à cordes. On va écouter le titre qui démarre cet album, le morceau Mias Proof, extrait de cet album, un Acrobat's Heart par Annette Peacock. We play our own music. We sing our own song. I make my own music. Of all, Our master is time.

that our master is time, who orders the pace to the right. If time avec ce titre Dreams, If Time Weren't, la boucle est un peu bouclée avec cet extrait donc de l'album de la pianiste Marilyn Crispell, le double Nothing Ever Was Anyway, qui était sorti chez ECM en 1997. La boucle est bouclée parce qu'il s'agissait donc d'un titre qu'on a écouté un petit peu plus tôt dans l'émission, extrait de cet album I Belong to a World That's Destroying Itself, donc le disque de 1971 du Blay Peacock Synthesizer Show, réédité par les bons soins de Madame Annette Peacock sur Ironic Records au printemps. Et la boucle est aussi bouclée puisqu'on retrouve l'univers d'Annette Peacock joué par des musiciens jazz, comme c'était le cas dans les années 60, notamment comme le faisait Paul Blay. Et donc là, on retrouvait la pianiste Marilyn Crispell aux côtés du premier mari d'Annette Peacock, Gary, à la basse, et de Paul Mossian à la batterie, le batteur idéal pour pointiller les silences et la musique en apesanteur de la musicienne américaine. Juste avant, donc, on écoutait An Acrobat's Heart, un autre disque sorti chez ECM par Annette Peacock. D'ailleurs, dans des interviews, j'ai pu lire qu'elle racontait qu'elle avait inventé le son ECM, ce qui est assez drôle, qu'elle aurait contribué au jazz contemporain en offrant une troisième voix, une sorte de nouveau third stream au jazz free, elle qui a beaucoup côtoyé les clubs et les lofts où ses camarades masculins s'époumonaient, et donc elle a ralenti le tempo et réinventé une musique plutôt basée sur le silence. Je vous signale une très belle interview qui a été faite juste avant l'été, et c'est assez notable aussi vu qu'Annette Peacock sort assez peu souvent de sa réserve. C'est une interview que vous pouvez retrouver sur le webzine, l'excellent webzine britannique The Quietus, dans laquelle on apprend qu'elle est en train de travailler sur un nouveau disque, ce qui n'est pas dommage, en espérant que celui-ci puisse voir le jour de manière un peu moins confidentielle que le précédent qui était sorti au milieu des années 2000. On va se quitter avec un dernier extrait de la musique d'Annette Peacock, avec un titre qui sera issu, celui-ci, d'un disque qu'avait sorti le compositeur Andrew Poppy sous le titre Alphabet Mystery Dance, sur lequel on retrouve une longue pièce avec les spoken words d'Annette Peacock, qui apparemment c'est une sorte d'opéra contemporain dans le registre un peu Einstein on the Beach. Je vous rappelle aussi que les playlists et l'ensemble des émissions de toute la saison dernière sont à réécouter sur le site de l'Asile à l'adresse asile35.blogspot.fr, avec possibilité de poster des commentaires et d'écouter en streaming également sur le Mixcloud/Redman. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. song of young girls in the marketplace. This is a song of denouncing thieves. This is a song of men and women. Several places. People sing as they chop the tree. This is a song that the clay people sing at harvest.